Passerei quindi al prossimo relatore, che è il professor Christiansen dell'Università di Lione sulla segnalizzazione marittima nelle zone del Teiche. Tema generale importante che può essere un quadro per tutti i sistemi del Teiche. Alors moi aussi, je remercie l'école française de me permettre d'être parmi vous pour profiter de ces communications toutes passionnantes et aussi d'aborder un sujet qui a été peu évoqué finalement et qui fait sous certains aspects le lien entre tous ces espaces que sont le delta du Nil, du Rhône, du Tibre et l'estuaire du Guadalquivir. Et c'est bien sûr la thématique de la signalisation maritime. Alors dans l'Antiquité, la navigation est une navigation à vue, qui repose en grande partie sur la lecture de l'environnement physique. Au sein de cet environnement physique, la nature des côtes joue un rôle déterminant parce qu'elle fournit aux marins des repères visuels précis, remarquables et identifiables. Les amers naturels sont le sommet des montagnes, des volcans, la cime des forêts, des roches isolées en mer, ça peut être un cap d'une certaine couleur ou d'une certaine forme. Parallèlement aux amers naturels, les amers artificiels, qui sont un type d'aide à la navigation, englobent les moyens visuels mis en œuvre à l'extérieur du navire, pour l'assister dans son orientation, son positionnement et son guidage par rapport à la côte, de jour comme de nuit. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les tours côtières dédiées à la signalisation maritime, premier rang desquelles figurent les phares. Alors tous les dispositifs de signalisation maritime n'ont pas la même fonction, et ça va dépendre de la nature de la côte. Sur une côte rocheuse, on implante un amarre artificiel sur un cap, principalement parce que ce cap, lorsqu'on vient de la haute mer, va être écrasé par la perspective et on ne le voit pas. De cette manière, ça cristallise une caractéristique côtière qu'on ne peut pas manquer sur un itinéraire hauturier. Dans le cas des estuaires, des embouchures et des deltas, c'est très différent parce qu'on ne voit pas la côte et il n'y a absolument pas de relief. Ce sont des portions littorales qui sont dépourvues d'amers naturels. Et donc, l'implantation de dispositifs de signalisation va avoir comme principale motivation, ce que Xavier Coré avait appelé matérialiser les terres invisibles et de cette manière ne pas se retrouver dans cette phase critique où on s'aperçoit qu'on est trop près des côtes au dernier moment. Et ce n'est pas un hasard si dans l'Antiquité, on retrouve dans les quatre espaces abordés par ce colloque l'attestation de dispositifs de signalisation ou de phares. Je vais commencer assez logiquement et c'est chronologique aussi par l'exemple du phare d'Alexandrie. On voit sur cette carte, et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit hier par Cécile concernant la situation à Péluse. Là, Alexandrie est complètement excentrée sur le delta du Nil. Le phare a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à la pointe orientale de l'île de Pharos. Ça reprend à peu près l'emplacement actuel du Fort Quad Bay, probablement un peu plus au nord. C'est un ouvrage qui a été largement décrit par les auteurs antiques, médiévaux. C'est aussi un bâtiment qui, par sa grandeur, son caractère monumental, a fait l'objet de nombreuses représentations sur les documents figurés, mais paradoxalement, on n'a pas de vestiges archéologiques. Les seuls vestiges qu'on peut mettre en relation avec le phare, ce sont des fragments de monolithes qui appartiennent à une porte monumentale, alors deux pieds droits et un linteau, mais c'est très léger dans la mesure où c'est une porte monumentale. Est-ce que c'est la porte du phare? Est-ce que c'est une porte du phare? On n'en a aucune idée et ce sont les seuls éléments archéologiques. La forme du bâtiment est relativement bien connue, d'abord par les sources écrites, mais aussi on peut en avoir une bonne idée, par ce tombeau phare qui se trouve à Taposiris Magna, à 40 km à l'ouest d'Alexandrie, sur une crête qui sépare au nord la mer Méditerranée et au sud les eaux du lac Mariout. On considère que c'est une reproduction à échelle réduite du phare d'Alexandrie, et qui a été construit à peu près à la même période. Mais ce qui est intéressant, au-delà de l'architecture et de l'aspect historique du bâtiment, c'est de s'interroger sur les motivations profondes qui ont présidé à la construction de cet édifice. Parmi les très nombreux textes qui existent, j'en ai choisi deux. Poséidip de Pella, qui est un poète macédonien qui est passé à Alexandrie alors que le phare était construit. C'est un texte intéressant parce qu'il reprend très probablement le début du poème, reprend l'inscription qu'il y avait sur le phare. Et puis un passage de Strabon. On voit très bien que les motivations qui sont affichées, c'est d'une part pallier l'absence de hauteur sur une côte qui est complètement basse, et d'autre part indiquer les dangers qui entourent l'île de Pharos. Et ces motivations-là sont très similaires à celles qui sont évoquées par Strabon pour parler des tours amères érigées par les Massaliotes dans le delta du Rhône. On retrouve le problème de la faible élévation. Et si cette fois-ci, on ne parle pas de récifs, les atterrissements du fleuve, la force des courants, la violence des vents caractérisent cet espace de navigation. Xavier Corée a publié en 2004 un article qui fait le point sur les données qu'on a aujourd'hui, qui sont quasiment inexistantes, et qui essaye de voir l'ancienneté des amers dans le delta du Rhône et surtout de considérer ceux qui seront utilisés au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Le seul site qui est traditionnellement mis en relation avec les tours Séma des Massaliotes, c'est le site de la Roque de Dor, qui était une île dans l'Antiquité. Alors on voit fossilière avec l'an Saint-Gervais, et donc c'était une île dans l'Antiquité puisque la ligne de côte était beaucoup plus haute. Et c'est surtout une petite éminence rocheuse qui constituait sans aucun doute un amer naturel dans cette portion littorale. Alors, le site a été complètement recouvert par les installations modernes. On voit, il reste quelques petites éminences rocheuses qui ne dépassent pas 60-70 cm. Avant le recouvrement du site par les installations portuaires, avait été observé un groupe de sépultures, un fond de carrière, des constructions domestiques et surtout un mur en grand appareil qui avait été interprété, et ça n'a, pour l'instant il n'y a pas eu de contre-publication là-dessus, comme un mur d'une tour, entre guillemets, d'une tour grecque. Alors l'étude du site est encore en cours, Frédéric Marty étudie en particulier le matériel, donc on en saura peut-être probablement plus dans les mois et dans les années qui viennent. On peut dire en tout cas que l'occupation du site se concentre principalement autour du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais donc on le voit là aussi, il n'y a pas de vestiges. Les motivations qu'on a vues pour Alexandrie et pour le delta du Rhône se retrouvent aussi pratiquement les mêmes pour ce qu'on va appeler, je le dis entre guillemets et je le retire tout de suite, l'embouchure du Guadalquivir, qui en fait est un estuaire dans l'Antiquité. Hier, Loïc Ménanteau a très bien montré que ce que nous aujourd'hui on considère comme l'embouchure ne l'était pas dans l'Antiquité. On retrouve les mêmes motivations, c'est-à-dire la présence de récifs qui rendent dangereux l'entrée dans ce que nous on considère comme l'embouchure, mais ce qui en fait à l'époque est un cap avant l'entrée dans l'estuaire. Et il s'agit de la Turris Caepionis, qu'on met en relation avec un consul romain de la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est pas tout à fait inédit d'avoir des tours comme ça dans ce genre de contexte qui portent un nom particulier, soit le nom du bâtisseur, soit le nom du personnage en l'honneur de qui on a érigé la tour. On peut penser à la tour de Néoptolémène dans l'embouchure du Tiras en mer Noire, ou même la guette de Persée dans le Nil. La grande différence avec les deltas en Méditerranée, ou les embouchures en Méditerranée, c'est ce qu'on a vu hier, c'est le phénomène des marées et le marnage qui est très important. Les récifs qui sont décrits dans les textes, on les retrouve très exactement aujourd'hui sur les chartes maritimes, et on voit très bien la différence qu'il peut y avoir à marée haute ou marée basse. Marée basse, l'îlot de Salmedina est visible. À marée haute, c'est totalement recouvert et c'est très dangereux de passer le cap. Il y a deux hypothèses quant à la localisation de cette Turris Caepionis qui peuvent être discutées. Il y a l'hypothèse où la tour antique serait sous le phare moderne de Cipionia. Et puis, ce qui semble quand même plus concordant avec les textes, notamment celui de Pomponius Mela qui dit « bâti plutôt sur un écueil que dans une île », probablement sur l'îlot de Salmedina. On imagine le caractère exceptionnel d'une tour bâtie sur un récif, même si peut-être que le lien entre l'îlot de Salmedina et le cap était plus ténu. Cette absence de vestiges, encore une fois, fait écho à un autre site qui est tout près dans la région et qu'on a légèrement entrevu hier, c'est bien sûr le site de Cadix, où on sait par les sources médiévales et puis des graphites charbonnés du 5e siècle après Jésus-Christ qu'il y avait un phare qui a été en fonction jusqu'à l'époque médiévale. Alors, comme à Caepio, il y a plusieurs hypothèses de restitution sur la localisation précise du phare. Les hypothèses sont toutes intéressantes parce qu'elles se basent sur des témoignages crédibles. Et on peut imaginer qu'il y ait eu peut-être plusieurs phares. Il y a une hypothèse au Castillo San Sebastián, au nord de l'île de Yades, mais il y en a une aussi au sud, à Torregada, qui est totalement plausible. Rapidement, on voit une restitution à partir des textes de ce que pouvait avoir l'aspect du phare de Cadix. Comme à Alexandrie, comme à Portus, on a une statue sommitale, c'est un phare à degrés, qui vraisemblablement était visible jusqu'à Médicidonia, qui est loin dans les terres en Espagne. La situation pour le Tibre est très différente. Je ne vais pas reprendre la présentation d'Hostie qui a été faite ce matin et je ne pourrais pas faire mieux. Donc voilà. Mais La notion de phare dans le Tibre, elle est étroitement liée aux installations portuaires. Et là, c'est très différent de ce qu'on voit à Alexandrie, parce que le phare d'Alexandrie n'appartient pas au port. Le phare de Caïpu, on le voit, est sur un cap et n'est pas une infrastructure portuaire. La Roque de Dor, on peut en discuter, mais là, c'est très différent. Alors, avant la construction de Portus, évidemment, l'embouchure est à Ostie. C'est une embouchure urbanisée et on a longtemps... Il y a un groupe de vestiges, en tout cas, qui est considéré comme les vestiges d'une tour de signalisation, ou en tout cas qui marque l'emplacement du phare antique d'Ostie. On le voit ici, c'est totalement au sud-ouest du site, un petit peu décalé par rapport au bassin portuaire, et il s'agit de la Torre Boacciana. On regarde aujourd'hui la tour qu'on voit, c'est une tour médiévale qui est construite sur un noyau d'époque romaine, dont les seuls éléments datables sont des briques estampillées du règne de Trajan, mais ça reste léger pour dire que c'était une tour de signalisation. Évidemment, quand on regarde l'emplacement, c'est un emplacement stratégique, il n'y a pas de doute, et ça marque l'embouchure. Mais est-ce que c'était un phare? Il faudra que des travaux continuent de travailler là-dessus. Je sais qu'en 2013, le professeur Heinzelmann, avec une petite équipe, a décidé de faire le relevé du bâti, et sans trahir de secret, c'est en cours de publication, on voit un bâtiment, mais il est impossible, on n'a pas d'éléments pour déterminer que ce soit un phare. L'autre phare qui, lui, est clairement attesté, c'est évidemment dans le Portus, et c'est le phare de Claude, qui est un petit peu différent parce qu'il a été conçu au sein des installations portuaires. Et donc là, on n'est pas juste dans un phare d'embouchure, on est dans un phare portuaire, bâti sur une île artificielle entre les deux môles qui délimitent le bassin. Alors, j'ai pris le texte de Sueton, mais d'autres auteurs décrivent très bien la construction du phare. On a utilisé un navire qu'on a coulé pour avoir des assises suffisamment solides et bâtir une tour monumentale dessus. C'est un procédé qui est connu, on le voit à Mandirac pour des jetées, on coule des navires, on bâtit dessus. C'est le seul exemple de phare là dans ces deltas qui appartient à un milieu portuaire. Pour aller peut-être encore un peu plus loin sur ce milieu portuaire, on peut dire que avec la construction du complexe portuaire de Portus, il y a au moins peut-être deux autres constructions qu'on peut interpréter comme des phares et qui sont sur les plans italiens appelées lanterna. Sur le môle des Termes et sur le môle transversal. Je ne crois pas qu'il y ait de publication sur ce sujet-là. Alors, il y a l'Université de Southampton qui a fait une très belle restitution, qui est séduisante. mais c'est très différent, on est déjà dans l'intraportuaire. Et c'est probablement là que, pour moi, se situe le point clé pour essayer de comprendre et décrypter le rôle maritime d'un phare dans un delta. On voit bien que ce soit Alexandrie, Caïpio, la Roque de Dor, si on part du principe que c'est un site de signalisation, et même Portus, ce ne sont pas des phares qui appartiennent au delta, ce sont des phares qui sont érigés aux abords du delta. Leur implantation traduit surtout un rôle qui réside dans le mouvement de rupture et de transition entre la haute mer et la navigation fluvio-deltaïque. C'est la phase d'atterrage où l'impératif de reconnaissance des côtes va conditionner l'efficacité de l'itinéraire emprunté. Une tour élevée, comme c'est le cas à Alexandrie, va pouvoir matérialiser une côte basse. Là, cette illustration, c'est l'estuaire de la Gironde, donc on est très loin d'Alexandrie, mais ça donne une bonne idée sur une côte basse. Si on enlève le phare, on ne peut pas estimer la distance à laquelle se trouve la côte. Ça va permettre aussi, pour les estimations les plus basses, on pense qu'à Alexandrie, la tour faisait, et c'est les estimations les plus basses, 100 mètres de hauteur. Donc ça donne un rayon théorique de visibilité qui dépasse 45 km. Donc pour un navire qui a perdu son cap ou qui s'éloigne un petit peu, ça permet aussi de rattraper sa route. Mais surtout, et je pense que ça c'est la norme pour le rôle du phare, c'est de mouiller à bonne distance. On va s'arrêter en vue du phare et jeter l'ancre pour attendre un moment propice. Alors soit on est de nuit et on attend le lever du jour pour entamer la dernière phase qui va nous permettre de rentrer dans la rade par exemple d'Alexandrie. On peut attendre que les conditions climatiques soient meilleures. On peut aussi penser que c'est à ce moment-là que les pilotes locaux montent à bord et permettent d'effectuer les manœuvres qui vont permettre de rentrer au port. Ce qui est intéressant, juste, la norme c'est cela. Il y a un petit contre-exemple où dans un texte de Philon d'Alexandrie, le phare joue toujours ce rôle de rupture. Mais là, on voit que c'est différent. C'est quelqu'un qui veut rentrer à Alexandrie sans être vu et qui va donc, en vue du phare, plier les voiles, maintenir le cap et rentrer au port de nuit. Mais je pense que ça, c'est quand même une exception et les marins seront d'accord avec moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'Hérodote décrit l'approche du delta avant la construction du phare d'Alexandrie, et cette phase de rupture, en fait, est dépendante de l'emploi de la sonde. On le sait bien. Là, cette image, c'est intéressant. Une côte deltaïque, à une journée de navigation, ça ressemble à ça. On n'a absolument aucun élément pour situer la côte. Donc c'est un moment de transition. On l'a vu hier, c'est aussi un moment de rupture de charge pour les cargaisons des navires. Alors Sabrina a bien montré qu'il y a des navires qui sont capables de faire haute mer fluvio-deltaïque, mais il y a aussi beaucoup, là on est en rade d'Alexandrie, de navires qui vont s'arrêter et des petits navires, c'est ce qu'on disait hier, vont venir faire la navette, décharger. Cette image, elle est intéressante parce qu'on voit que c'est une côte basse. Alors aujourd'hui, elle est extrêmement urbanisée, mais on voit bien qu'il n'y a aucun relief. Maintenant, il va se poser la question de, pour ceux qui continuent, c'est-à-dire après cette phase de rupture, il y a l'entrée au port, puis après, il y a la navigation deltaïque. L'entrée au port, je pense que ce qu'on disait sur les pilotes locaux, c'est nécessaire. À moins d'être un excellent marin qui connaisse parfaitement les lieux, il va falloir être capable de lire les alignements. Alors le phare, qui est où la lanterne est à 100 mètres de haut, ne sert plus à rien au moment où on rentre dans le port. En revanche, ça va constituer un point d'appui pour les alignements qui permettent de suivre une voie saine. À Alexandrie, il y a deux passes qui sont bien connues dans les textes, conditionnées par l'îlot central, sur lequel d'ailleurs, au début du XXe siècle, on avait reconnu des ruines. J'aimerais y voir quelque chose, un balisage. J'imagine pas qu'on puisse construire un temple sur ce petit îlot, mais voilà. Il va falloir être capable de lire ces alignements avec des constructions à terre. Et ça, les pilotes locaux sont les mieux à même de le faire. En plus des barres sablonneuses, en plus des récifs, il faut être capable de lire les alignements. Ensuite, en ce qui concerne la navigation dans le delta, c'est encore très différent. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions de navigation. Et la volonté d'implanter des tours de signalisation, pour moi, ça relève de deux choses. Il y a un défi technique, parce qu'on l'a vu sur les tours du delta, Alexandrie, Caipio, ce sont sur des sols durs. Là, on va être obligé de construire sur des sols meubles et qui sont difficiles. Il faut être capable de donner une assise à une tour, sans parler de tour monumentale, qui soit viable. Et il y a aussi une prise de risque, parce que l'efficacité d'une tour est conditionnée par les conditions de navigation. Lorsque l'environnement change, lorsque les hauts fonds bougent, le contour des bras et des canaux, l'efficacité de la tour devient obsolète. Rapidement, les exemples qu'on connaît, dans des milieux qui sont très similaires, la lagune de Venise, à l'entrée du canal San Félix, il y a une tour qui a été interprétée par Ruggieri, puis Médas, dans ses publications les plus récentes, comme une tour de signalisation. C'est sur un itinéraire où on retrouve aussi des citernes, puis d'autres tours. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de balisage de ces canaux? On peut s'interroger. Un autre exemple, et celui-là est vraiment passionnant, c'est la tour de Barro de Zavalère, qui est aussi interprétée comme une tour phare. Et là, on voit très bien que cette tour de 8 mètres sur 8 a été bâtie sur une forêt de pieux. Et là, c'est la solution qu'on a trouvée par rapport au sol meuble. C'est un procédé qu'on connaît pour des phares jusqu'au XXe siècle. On voit ici le phare de Coubre dans l'estuaire de la Gironde qui a été bâti sur une forêt de pieux. Ce sont des troncs d'arbres, ce n'est pas des pieux, c'est vraiment des choses très importantes. Ça, c'est pour le défi technique. En ce qui concerne la prise de risque, je pense qu'un des meilleurs exemples qu'on peut suivre face à l'évolution du littoral et donc à l'efficacité de l'emplacement d'une tour, c'est très probablement à Fréjus, dans la vallée de l'Argin. Lorsque le port a été implanté, on a construit au bout du quai, du premier état, une petite construction quadrangulaire et un exèdre. On peut discuter de l'interprétation de cet édifice, mais manifestement ce n'est pas défensif, donc ça a été interprété comme un dispositif de signalisation maritime. Très rapidement, l'avancée du littoral va rendre obsolète cette position et il faut construire une jetée en coude qui va permettre de retenir les sables. À partir du moment où on a fait ça, la tour, l'emplacement de la tour est en fait dangereux pour le marin parce qu'il va suivre quelque chose qui ne correspond plus à la réalité de l'extrémité du môle. Et donc, c'est là où va être construite la lanterne d'Auguste, qui n'est pas du tout un phare, qui est un amer d'alignement. C'est comme ça que moi je le vois. Et Pierre-Yves Scoffons a bien montré qu'à l'extrémité de la jetée, il y a une nouvelle plateforme qui s'est construite, probablement un phare, une tour de signalisation. Une des solutions aussi qu'on peut imaginer pour la navigation dans le delta, et c'est probablement ce qui explique aussi la rareté des vestiges, c'est qu'on a mis en place des dispositifs périssables. On voit ici l'entrée du port de Vada où on a signalé l'entrée du port avec des branches. Il y a des alignements de pieux et puis on met en place des branches de laurier. Donc les marins savent reconnaître ça. Le non-initié, le marin qui ne connaît pas, aura beaucoup de mal à lire ces alignements. Mais on le voit. Ça, c'est évidemment en condition diurne. Et c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui peut être réadapté, qui peut facilement s'adapter à la mobilité de l'entrée du port, de l'entrée de l'embouchure. Une autre hypothèse, et celle-ci est largement attestée à l'époque médiévale, dans les estuaires, dans les canaux, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des petits fanaux sur trépied, petite structure en bois, qui là aussi est facilement déplaçable et coûte beaucoup moins cher. Évidemment, la source lumineuse, le fanal, la lanterne, ce sont des petites sources lumineuses. Et j'en termine là avec peut-être deux réflexions plus globales en disant que une des clés pour comprendre le rôle maritime des phares et en tout cas ce qu'on a voulu en tirer, on peut le tirer des éléments dans le contexte historique de construction. À Caipio, le phare, il a une dimension de trophée, comme ce qu'on connaît, par exemple, à Boulogne ou à Douvres. À Alexandrie et à Portus, le phare monumental, qui est exceptionnel par son caractère, son architecture, c'est aussi le support privilégié d'un prestige politique. On peut s'interroger sur l'efficacité, en fait, de ces dispositifs. Est-ce qu'il y a eu une réflexion en amont ? Et je dis ça parce que, à l'époque médiévale et moderne, sans comparatisme aventureux, le développement des phares en France et en Angleterre a suivi des trajectoires très différentes. En France, ce sont des commissions d'ingénieurs terriens appartenant aux ponts et maréchaussées qui se sont réunis et qui ont décidé de mettre en place un quadrillage régulier des côtes en France, de sorte que lorsqu'on perd de vue un phare, un autre apparaisse. En Angleterre, c'est très différent, c'est la logique de l'accident qui a prévalu. Là où il y a un naufrage, on érigera une tour. En France, l'autorité royale a très tôt été impliquée dans ce processus. En Angleterre, avant la fondation de la Trinity House, c'est principalement des armateurs privés qui offrent les phares. Et ça me permet de dire qu'il n'y a pas de conception universelle de la signalisation maritime, ni dans l'Antiquité, ni aujourd'hui. On le sait, Arthur, je pense, pourra confirmer ça. En Méditerranée, la signalisation d'un port, il y a le feu vert, le feu rouge. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de conception universelle. Et je pense qu'il faut accepter que pour l'Antiquité, c'est exactement la même chose. Et pour conclure, ces édifices, ces aménagements sont évidemment des éléments techniques qui participent à la modélisation de l'espace navigable. L'installation et le développement de dispositifs de signalisation, d'aide à la navigation, c'est un enjeu maritime dont il ne faut pas minimiser l'aspect économique et stratégique. La sécurisation des portions littorales a aussi pour but d'encourager le passage des navires, d'encourager un itinéraire maritime. Et les phares participent à cette mise en valeur. Leur but profond, c'est de rendre attractif une côte qui ne l'est pas. Et je vous remercie de votre attention. Allora, grazie per questo contributo che ha fatto un'analisi comparata poi delle strutture dei diversi sistemi di segnalizzazione, di segnale dell'ingresso di questi fari. Molto interessante dal punto di vista architettonico. Mi chiedevo se ci fosse qualche notizia dal punto di vista gestionale dei fari. È un tema diverso, questo sì. Lo capisco, un tema non che è complementare, sì. non identico, però nel capire come funzionava il sistema del segnale nell'antichità sarebbe interessante a poter approfondire come spunti ulteriori, come veniva gestito il faro, come veniva a livello del personale che veniva impiegato, a livello dell'alimentazione del faro, dei turni, che importanza veniva dato al faro nella gestione del porto. Però questo è solo uno spunto da profana, nel senso che non sono all'interno, non so, comunque lascio anche ovviamente alla platea i commenti invece più tecnici relativi all'intervento trattato adesso, che comunque è stato molto interessante per questa analisi che non è stata soltanto puntuale sulla realtà, ma ha avuto l'obiettivo di comparare realtà diverse. Est-ce que je peux avoir la traduction sur la fin de... C'est juste pour savoir effectivement le personnel, est-ce qu'il y avait des personnes, comment était géré le phare, comment on allumait la lumière, comment on l'éteignait, enfin voilà, un peu la gestion matérielle, ce qui effectivement n'est pas votre sujet. Enfin, n'est pas le sujet que vous traitez. Non, pas aujourd'hui. Non. Je vais répondre en français, je m'excuse. Si. L'aspect économique du fonctionnement d'un phare, c'est probablement une des thématiques les plus difficiles à comprendre pour l'Antiquité. On a très peu de sources qui parlent des gardiens de phare, comme nous on appelle ça aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que pour tout ce qui n'est pas phare monumental, il y a des petites installations en bois à côté d'une tour côtière qui vont accueillir le personnel. Bon, c'est difficile à choisir les mots qu'on emploie. Ce qui est certain, c'est que dans les phares monumentaux, en tout cas, à Alexandrie, on le sait, il y a des chambres qui sont dédiées au personnel. Il y a des chambres pour le stockage du combustible, qui sont très souvent hermétiques. Ça, on le voit très bien à la Corogne, où le phare est conservé. Et il y a, des espaces habitables pour le personnel. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours. À Leptismania, par exemple, le phare monumental ne présente pas d'espace. Il y a des espaces habitables, mais qui vraisemblablement n'ont pas été occupés par le personnel pour y dormir, pour se reposer. Sur ça, on a très peu d'informations. Après, sur le fonctionnement technique du phare, comment est-ce qu'on allume et comment est-ce qu'on éteint le phare, L'allumer, je pense que c'est facile. L'éteindre, je pense qu'on essaye de ne pas l'éteindre. Les textes expliquent très bien que la journée, on préfère y faire de la fumée. Et ça, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est que c'est plus facile en jetant des eaux, parce que les eaux fument quand on les met dans du feu, que du bois. La consommation de bois d'un phare moyen, en une nuit, c'est 700 kilos de bois. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ça dépend. Si le manque à gagner, si le bénéfice d'un phare sur un itinéraire maritime est important, 700 kilos de bois, si on regarde ce que consomment des thermes privés à l'époque romaine, 700 kilos de bois, c'est pas énorme. Ce qui est certain, c'est que sur des petites tours côtières, on ne fait pas brûler 700 kilos de bois, et sur des aménagements comme les trépieds qu'on a pu voir avec des fanaux, ce sont des petites quantités. On utilise surtout de la résine, de la poix, pour essayer de faire durer la source de lumière. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à... Si, si. Anche perché era laterale. Oui. Jonathan, je voudrais insister peut-être oui. un peu, tu l'as dit, sur le rôle du pilote maritime. Cette corporation existe toujours aujourd'hui, bien sûr. Hein. Comme tu l'as dit, c'est des gens qui sont dans le port et qui montent sur le bateau pour l'aider à rentrer. Ils se considèrent d'ailleurs eux-mêmes comme le deuxième plus ancien métier du monde. Mmh. Je vous laisse deviner le premier. Et donc, on a très peu de traces. À ma connaissance, il y a juste une lettre de Synésius au 5e siècle, je crois, qui explique assez bien le rôle d'un pilote. Mais on peut supposer que ces gens ont existé de tout temps dans des endroits aussi difficiles que Alexandrie et dangereux. Donc il y avait à la fois les phares, les amers à terre avec les alignements et les pilotes. Qui aidait les capitaines à rentrer les navires. Il y a un exemple célèbre d'un amiral rhodien qui est employé par les Carthaginois lors de la guerre punique. Et les Romains ont pris Motia en Sicile. Et ce pilote, qui est extrêmement doué, lit les alignements et rentre à Motia alors que les Romains ont barré l'entrée du port. Lui sait lire les alignements. Ça, c'est quand même un cas exceptionnel. Et dans un contexte commercial, c'est presque insensé de prendre le risque de ne pas faire appel à ces gens-là. Donc là, le manque à gagner serait terrible. Et on le sait, l'implantation de phares, ça ne veut pas dire que c'est efficace. Pas au pied du phare d'Alexandrie, ça montre bien que manifestement, tout le monde n'a pas... Soit le phare n'était pas efficace, soit... Bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché, donc... Sí, no es una pregunta, es más una reflexión. Me ha parecido muy interesante lo que ha estado hablando. En relación a la reflexión con la bahía de Cádiz, exactamente con la imagen del faro, ¿no? Del faro de Cádiz, la representación, sí. La iconografía. Pensaba en lo interesante que podría ser comparar esa representación con leyendas posteriores, ya de época musulmana, sí. La que se habla del ídolo de Cádiz, de la destrucción, que al final desaparece. Y un poco también, y unida a esa idea, de alguna manera relacionarlo con el sistema defensivo que se estaba diciendo, con los avisos, con las llamadas de una torre a otra. Y también dentro de ese mundo andalusí, el papel de los ribats, ¿no? Como por ejemplo el Derrota, que es, es verdaderamente significativo. Un poco en esa línea, me ha parecido muy bonita la comparación entre los diferentes deltas en el Mediterráneo y el Atlántico con Cádiz, y incluir un poco esa otra comparación, ya no geográfica, sino, digamos, diacrónica, ¿no? Con ese mundo andalusí de cómo reinterpreta, a través de la leyenda, determinadas edificaciones significativas o notables, ¿no? En cualquier caso, le felicito porque me ha gustado. Gracias. Gracias. Merci. J'ai été intéressée par votre impression de relative efficacité des phares, et notamment dans l'exemple de Portus, qu'on connaît bien, parce que moi j'ai toujours en effet eu l'impression qu'il participe surtout en fait à l'appareil monumental de l'entrée du port, et notamment en fait il est un peu l'avant-corps de ce qu'on a derrière, qui est ce qu'on restitue maintenant à travers notre étude des entrepôts, qui est cette longue colonnade qui devait couvrir en fait toute la longueur du môle nord-sud. Et donc ça correspond assez bien à la représentation aussi parce qu'il est loin en fait des dangers plus liés à l'aspect portuaire. Et je voulais en fait vous rappeler, pour compléter tout ce qu'on peut imaginer dans la circulation un petit peu plus à l'intérieur même du delta, de tout ce qu'on a pu voir ensemble quand on s'était baladé à Portus, qui sont donc en fait des signalisations beaucoup plus modestes autour des entrepôts qu'on a étudiés avec Corinne, et notamment autour des quais. On a sur nos simples entrepôts au moins 4 endroits où on pouvait imaginer une lanterne et donc ces circulations un peu internes. Donc en effet, il y a peut-être 2 types de signalisations. La selle monumentale qui permet en effet de signaler, bon, j'imagine qu'il était efficace, qu'on voyait de loin, on savait que plus ou moins on était en train d'arriver à Portus, mais le danger était peut-être moins imminent que, en revanche, le côté un petit peu particulier et technique où, en effet, il faut imaginer une corporation très, très sophistiquée qui permettait aux bateaux non seulement d'arriver et de se mouiller, mais aussi de pouvoir faire le parcours assez, assez complexe. Et ici, finalement, dans ce qu'on a comme vestige, qu'il faudrait continuer à justement rechercher, etc., on a quand même pas mal d'indices qui permettent d'imaginer quelque chose de programmé. Et c'est pour ça qu'en fait, sur le côté, en revanche, non universel des signaux, ça me pose un peu question, mais ça, c'est votre impression. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je m'en étais... C'est quelque chose qu'on sent quand on commence à étudier sur les phares et dont on se dit non, c'est pas possible. Mais en discutant avec des marins d'aujourd'hui et des spécialistes des phares aujourd'hui, c'est extrêmement déroutant de les entendre dire. D'abord, la définition d'un phare, elle n'est pas commune. Les Français et les Anglais n'ont pas la même. J'imagine que les Européens et les Chinois n'ont pas la même. Le fait que l'entrée d'un port aujourd'hui soit pas signalé de la même manière en Europe et aux États-Unis, c'est quand même incroyable. Ça fait 300, 400 ans qu'on a une navigation commune. On aurait très bien pu se dire, bon, on est tous d'accord, on utilise cette norme. On le fait pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est... En tout cas, vu de l'extérieur, c'est quelque chose de très frappant. Après, pour Portus, je dirais qu'il y a peut-être 2 choses. On peut pas s'empêcher, en regardant, peut-être que je suis le seul à voir ça, mais il y a une sorte d'imitation du paysage alexandrin. Cette île artificielle, je me trompe peut-être, hein, mais... quelque part, je ne sais pas si Claude avait dans l'idée de refaire Pharos, l'île de Pharos. Bon, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est très différent de la circulation intraportuaire. Et il faut bien imaginer que les tours, c'est propre à la façade littorale. Une fois qu'on est dans un port, surtout un port aussi compliqué, les petites niches dont vous parlez, c'est probablement des dispositifs beaucoup plus efficaces, beaucoup moins coûteux, beaucoup plus... je ne sais pas comment dire ça, mais effectivement, je ne vois pas... Quand on imagine ce second phare... Alors, l'image, moi, me plaît beaucoup, mais le problème, c'est que je ne sais pas si ça aide vraiment au moment de passer près de la Darse et du môle transversal. Donc, c'est probablement des dispositifs beaucoup plus petits et des petites lanternes. Il y a aussi un élément qui, moi, des fois, m'interpelle. Sur le texte où Filon dit qu'il va rentrer au port et sans que personne ne le sache, on a presque l'impression qu'en gros, la nuit, personne n'est dans le port et qu'on peut rentrer dans un port comme ça. Bon, là aussi, est-ce que c'est des différences de conception? Est-ce qu'à Portus, il y avait toute la nuit des gens qui travaillaient? Est-ce qu'à Alexandrie, la nuit tombée, on arrête et tout le monde va... Bon, je ne sais pas, c'est... Ah, grazie. Sì, Jonathan, mi è piaciuta moltissimo una presentazione. Posso parlare in italiano? Il mio francese è un po'... In inglese? In English? Sì, mi è piaciuto molto. Però volevo tornare un po'... Hai parlato un po' dell'aspetto simbolico, anche simbolico e ideologico del faro nel contesto portuense e immagino magari anche in altre situazioni, in altri porti, perché ovviamente a parte del faro e di questa lanterna e forse altra lanterna che sono elementi cardinali per la navigazione all'interno del sistema portuario, no? Non si deve dimenticare anche la propria topografia della... Evelina ha parlato della zona dei magazzini, però all'interiore del bacino di Traiano ci sono anche questi grandi punti di riferimento, queste grandi colonne ai angoli dell'esagono, e anche il tempio di Traiano al fondo con la grande statua di Traiano di 5 metri di cui parla Lanciani. E anche tutti questi elementi hanno un aspetto simbologico importante che si vede molto, molto bene sulle monete e anche sul registro epigrafico. Dunque sì, sono punti importanti per la navigazione all'interno del sistema, però anche per le gente che sono interessati c'è un registro anche simbolico, ideologico importante, dunque c'è una doppia funzionalità che forse è importante in questo senso, il riferimento all'imperatore e al potere di Roma, all'anticipo prima di arrivare alla città. Non so se forse questa è una cosa che hai potuto notare anche in altri contesti portuali. Est-ce qu'on retrouve dans d'autres ports ce genre de... Oui, l'aspect aussi symbolique et idéologique de ce qui se voit, non seulement les phares, mais aussi la statue de Trajan. Je crois que c'est les représentations iconographiques qui le montrent le mieux. On voit très bien sur les représentations de ports qu'il y a le môle, les arches, les arcs aussi, qui sont sur les môles. Et ça fait partie, je crois que c'est... Stephen Tuck, qui a écrit un article passionnant là-dessus, qui dit que c'est le support, c'est évidemment une autre construction monumentale de l'apparat. Mais c'est le double fonctionnalité. Oui, oui. Et alors, la navigation sur, dans le système portuaire, c'est à la même temps, c'est grâce à... Oui. De Rome, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'à Alexandrie, il y a aussi ce même problème, parce que c'est étonnant que ça coïncide exactement avec l'arrivée des Lagides. C'est-à-dire que Ptolémée I lance la construction, c'est fini sous Ptolémée II, on n'avait jamais construit de phare avant, ou alors, moi j'en ai jamais entendu parler, et c'est le support, les textes le disent bien, de la puissance de Ptolémée, oui, oui. Et ce qu'on peut compléter, peut-être que Portus ça marche aussi, après j'arrête, c'est que ces grands phares ont des terrasses cultuelles devant. On sait à Alexandrie qu'il y a une terrasse cultuelle avec la personnification de Ptolémée et de sa femme, le port de Claude. Sur les monnaies, on voit souvent le haut de la statue et on dit « Ah, c'est la statue sommitale du phare ». Moi je pense plus simplement que si on regarde... alors d'abord sur le relief de Torlonia, on voit qu'il y a des statues sur le phare, pas au sommet, mais on peut penser aussi que cette plateforme, c'est aussi un lieu, on est déjà dans, peut-être pas une terrasse cultuelle, mais on est déjà Smyrne, les textes le disent très bien, il y a une plateforme avec le phare et puis un espace de prestige. Parce que le meilleur, c'est l'espace sans la, exactement, sans la protection des dieux et sans la protection de l'empereur, montre le port, oui, c'est une place protégé par l'empereur. Oui. J'en profite pour embrayer sur l'aspect pragmatique. un phare est très haut et se voit à beaucoup de milles, des dizaines de milles, c'est-à-dire plusieurs heures avant d'arriver au port. Donc c'est évidemment le point de ralliement pour le marin. Quand on approche, on a besoin d'autre chose. Voilà. Tu l'as dit, on a besoin d'un alignement. Et un alignement, en principe, c'est deux repères qui s'alignent, sur lesquels on va naviguer, sur un axe sur lequel on va naviguer. Mais il en faut deux. Un seul ne suffit pas, parce que ça ne donne pas l'angle. Et s'il y a des récifs à éviter, cet alignement doit absolument exister. Donc, alors, il y a des amers, des maisons blanches, des choses comme ça, des églises qu'on voit. Mais en général, il faut construire... quelque chose de plus, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des alignements de deux phares, enfin deux lumières, il faudrait dire, l'une derrière l'autre. Donc je peux très bien imaginer que à l'intérieur de Portus, on puisse chercher des alignements pour rentrer dans le port juste pour faire la passe. Oui, oui. Ça n'est pas encore une navigation intraportuaire. Oui. Mais en tant que marin, je peux vous dire, enfin je vous engage tous d'ailleurs à passer au moins une journée dans votre vie sur un bateau. Vous verrez effectivement que quand on rentre dans un port en Europe, le verre est à droite, alors que quand on rentre dans un port aux États-Unis, le verre est à gauche. C'est très surprenant, mais on conduit bien à droite et à gauche, on n'a pas les mêmes... C'est historique, hein, mais il faut le savoir. Posso fare una strana domanda, visto che mi è sollecitata da questa immagine qui rappresentata, in cui si vede si è parlato di simbolismo, di faro, questo strano occhio grande che si vede in questa immagine del bassorilievo può essere the big eyes. Ah, può avere un significato simbolico legato, cioè se pensiamo alla vista e la luce è il faro, è la rappresentazione di un faro o ha un significato simbolico di altro tipo? Qualcuno ha mai, avrete notato sì, tutti sì. questa rappresentazione, come si interpreta? È uno dei allievi più conosciuti che ho mai studiato in profondità, una delle cose che non si capisce bene anche a me. Mi veniva l'associazione da quello che avete detto finora, cioè in fondo l'occhio e la luce, il vedere, il faro. O forse qualcos'altro, non lo so. Ma ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Bon, là, sur le relief, j'aurais du mal à m'exprimer, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des textes qui expliquent que la lueur du phare, là, on est vraiment dans la relation de l'œil au feu, se confond avec les étoiles. Parce que la lumière est trop haute, parce qu'elle ne brille pas assez. Donc, bon, sur la relation œil-feu, je dirais juste ça. Après, sur le relief de Torlonia... Je ne sais pas. Senso di benevolenza, di buona fortuna. Ah, buona fortuna, oui. L'occhio. Buon occhio. Oui, voilà, c'est ça. Ah. Buona fortuna, ok. Ti vedo di buon occhio. Ho molto apprezzato tutta la relazione e mi ha fatto piacere anche il richiamo al Delta del Po con quella struttura di Barra Zavalea, sì. La cui funzione è di torre di segnalazione o di faro, non trova tutti gli studiosi d'accordo. Sì. Detto questo, si pone il problema della Fossa Augusta, i richiami con la fossa, cioè la problematicità dell'identificazione dell'itinerario, ma la domanda che avrei voluto fare era relativa alla problematicità che pone il riconoscimento dell'evidenza di strutture in materiale in legno. La zona del Delta Padano è molto spesso dei delta dove non ci sono appunto si è parlato di una difficoltà il fatto di fondi teneri che appunto richiedono fondazioni, strutture questa, la tradizione di fondamenta in legno ce le ricorda Vitruvio c'è sì, sì. La descrizione di Ravenna di Strabone è una Venezia ante litteram ecco, poi però quindi il richiamo cosa possiamo dire a proposito di eventuali strutture di segnalazioni lignee, quando pensiamo a Polibio che fa riferimento ad un porto presso una delle foci del Po come importantissimo e non abbiamo niente, tra l'altro uno dei punti più portuosi dell'Adriatico, dice Polibio, ma poi il richiamo e l'interesse che ha suscitato la funzione ideologica o di rappresentanza e per rimanere nella temperie dell'età di Claudio, mi è venuto in mente il richiamo che Plinio fa del ritorno di Claudio dalla spedizione, dalla missione di Britannia, che entra in mare da una foce del Po, su una grande nave come un palazzo, e poi a Ravenna, una città tutta costruita in legno, fondazione eccetera, proprio di età Claudia, è la Porta Aurea, caposaldo della topografia urbana, e che sarà ricordata a più riprese, e poi, in mancanza di campanili, che avremo solamente a partire dal X secolo in avanti, elemento di segnalazione fondamentale per i naviganti, sia per la navigazione marittima che fluviale, sì. Se si percorrono i fiumi con paesi sulle insediamenti sulle varie rive, c'è il discorso che il mausoleo di Teoderico come scelta di posizione è proprio sulla costa e sarà ricordato proprio anche come faro, come elemento, quindi ecco quel discorso di allineamenti, quel discorso proprio considerando le caratteristiche di questa barra continua, più che una barra è una piattaforma di basso fondale che rende complicata l'ingresso e l'uscita dal porto. Grazie. Sì, sì, grazie. Bah juste pour rejoindre le mausolée théodorique, on sait, j'en ai pas du tout parlé parce que il y en a pas forcément dans les deltas, mais le texte de Strabon parle des tours Séma des Massaliotes. Les Séma, c'est aussi quelque chose qui s'applique aux tombes côtières, et on en a en Grèce par exemple, mais aussi dans le golfe de Gaète, le mausolée de Plancus, ça a servi de phare durant l'époque moderne, et puis il est sur le promontoire. Donc bon, il y a aussi d'autres aménagements qui jouent un rôle évidemment. Oui, moi j'aurais deux questions et deux suggestions. Alors, la première question concerne le passage de Flavius Joseph et du Philon d'Alexandrie concernant la navigation de nuit. Je pense qu'il serait intéressant de comparer ces deux témoignages avec la documentation papyrologique et notamment avec la législation lagide et romaine concernant la navigation de nuit. Mmh. Il y a plusieurs textes, une ordonnance royale sans doute, qui interdit clairement la navigation de nuit et qui donne aussi les instructions aux marins. C'est le papyrus Ibé 2198. Et qui donne les instructions justement par rapport au personnel qui serait absent ou présent pendant la nuit dans les lieux d'accostage. Ah, oui. Il y a des gardes, il y a un corps de police et les instructions sont très précises et même les pénalités ont été conçues de la même manière. Ensuite, j'ai une question concernant le vocabulaire utilisé dans les sources quand vous parlez des pilotes qu'on a définis comme technicien de la navigation spécialisée, il s'appelle Kubernetai, comment il s'appelle dans les sources anciennes? Parce qu'en Égypte, on en a beaucoup aussi, dans les papyrus, et ils apparaissent dans la fonction technique. C'est difficile de répondre parce que, alors, effectivement, je n'ai pas du tout de regard sur les sources papyrologiques. Par contre, les liménophylakés qu'on trouve dans les ports qui sont plutôt, rattachés à la taxe, la levée des taxes dans le port, eux parfois ont des missions d'observation, de surveillance des côtes, et ça rejoint un petit peu les scopae, ceux qui vont regarder le littoral. Ça, c'est un vocabulaire qui mérite une vraie étude, parce que on utilise ça comme ça avec des traductions qui sont anciennes, et probablement qu'aujourd'hui on serait capable de renouveler ça. C'est une vraie question. Sur la question des liménons, j'en parlerai. Et puis une dernière chose, juste pour les signalétiques, la signalétique et la fumée, etc. Pardon. Et l'incuvigny dans la route de Mios, dans le volume consacré à la route de Mios Hormos, a réparcouru tout le dossier sur la signalétique. Parce qu'ils ont retrouvé dans le désert oriental des tours qu'ils appellent dans les ostracas Skopeloi. Oui. Et on s'est demandé justement quelle était la fonction. Donc, Ah, mais c'est sûr. Il y aurait, je pense. Dans le monde grec, de toute façon, le mot phare apparaît très tardivement. Et jusqu'au 1er siècle après, quand on parle d'un phare, même donc 300 ans après l'édification du phare d'Alexandrie, on parle, que ce soit en grec ou en latin, de Skopeloi. Pareil, de specula en latin. Donc, il faut bien voir que c'est des tours, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est des tours qui ont une double fonction aussi entre surveillance et signalisation. C'est des doublons. Et c'est des tours, quand elles sont en dehors du contexte portuaire et qui ne sont pas monumentales, des tours côtières, c'est des tours qui ont plusieurs fonctions. Et la fonction de l'observation, on peut voir sans être vu. Et là, c'est si on a peur de ce qui vient de la mer, on va utiliser la tour comme support pour voir ce qui se passe, mais on ne va pas se manifester. Donc il y a des doublons, il faut accepter ça, que ce n'est pas des constructions spécialisées. Grazie. Dobbiamo procedere alle altre domande. Une question, je voulais apporter une précision concernant la Turisca et Pionis, qui était au sud de l'embouchure actuelle du Guadalquivir. Moi je pense qu'elle était sur l'îlot de San Medina, qui à l'époque du XVIe siècle était le récif le plus dangereux pour la navigation, où il y a le plus grand nombre de naufrages. Mais à l'époque, sans doute, la Pirra San Medina émergeait, et sa surface a été décapée par l'érosion. Et c'est ce qu'il faut important de savoir, c'est que la fonction de ce phare, parce que c'est fort possible que ce phare était en relation avec pour signaler tous les dangers qui étaient au nord, c'est-à-dire tous les hauts fonds rocheux, qui correspondaient à la barre rocheuse et externe du XVIe siècle, etc., mais qui, à l'époque, n'existaient pas, c'est-à-dire que tous les récifs qui sont maintenant recouverts par le sable étaient découverts. Et c'était en rapport avec la navigation de la plupart de navires venant du sud, venaient de la Méditerranée, qui franchissaient les détroits de Gibraltar, arrivaient du sud, et qui, au nord du phare, devait virer de bord et rentrer dans la lagune côtière, Lagus Ligustinus, et éviter tous ces dangers. Voilà. Et c'est, pour moi, c'était au niveau stratégique, c'était le rôle du phare. Il y a dû sans doute avoir de nombreux naufrages à cause de ça. Et il faut savoir aussi qu'à même pas 10 kilomètres du phare, en allant, après avoir franchi tous ces récifs, c'est-à-dire en les franchissant dans le sens transversal, se trouvait le sanctuaire de Lux Dubiae, hein, où on a trouvé 16 000 ex-voto, dont oui. presque la plupart venaient de Méditerranée. Donc il y a une relation entre la navigation. Bon, c'est pour ça que je pense que c'était pour des navires venant du sud. Ah, mais il faut compléter. Et qui devait, ça signalait les dangers qui étaient au nord et qui devaient franchir. Manière transversale. Voilà. Mais la présence des sanctuaires, Claude Vella ne me contredira pas, c'est récurrent sur les 4 deltas, j'en ai pas parlé, il faut faire des choix. Mais Lux Dubia ou le temple d'Artémis, le texte de Strabon dit bien que le temple d'Artémis, il joue aussi ce rôle d'amer. Hein. Donc il y a des grands phares, des dispositifs complémentaires, mais il faut aussi penser que les sanctuaires maritimes jouent un rôle, évidemment. Je ne vais pas citer le Cap Sounion, mais Oui, le Cap Trafalgar, mais oui, c'est sûr. È stata posta prima una questione molto importante, cioè sulla gestione dei fari, gestione pratica, materiale, insomma. E abbiamo questo doppio aspetto. Da un lato il faro ha un valore simbolico, ideologico, anche politico, di eccezionale rilevanza. Lo vediamo ad Ostia, il piazzale delle corporazioni, non c'è mosaico che non abbia la raffigurazione del faro. Lo vediamo nelle tombe di Ostia, oppure con la raffigurazione del faro, o anche nel cosiddetto Palazzo Imperiale, dove c'è il mosaico con il labirinto, con il labirinto di Teseo, e poi alla fine invece di Teseo il Minotauro, al centro troviamo la raffigurazione del faro. Quindi l'immaginario collettivo doveva svolgere una funzione, insomma, incredibile in quel periodo. Però, d'altro lato, la gestione come veniva effettuata e che importanza e che rilevanza aveva. Io credo, sulla base di quello che noi conosciamo, che fossero pochi gli operai che fossero impiegati nella gestione del faro e forse anche questo lavoro non era considerato materialmente proprio, nella sua fattualità, di grande importanza. E da cosa lo scopriamo? Lo scopriamo indirettamente. Ad Ostia abbiamo oltre 10.000 iscrizioni. Di queste 10.000 iscrizioni si parla di tutti i lavoratori, dei sommozzatori, dicevo prima, gli ordinatores, dei barcaioli, dei venditori di stoffa, di stoffa, di lana, eccetera, ma non c'è nessun accenno a qualcuno che sia addetto al lavoro dentro il faro. Quindi era considerato, secondo me, un lavoro di grande importanza e delicatezza, possiamo immaginare a quel tempo, però probabilmente non molto considerato a livello di importanza. Sì, sì, nella società. Une toute petite traduction donc pour dire que effectivement l'idée de Angelo c'est que le personnel qui était nécessaire à la gestion du phare ne devait pas être très considéré, que ça devait pas être, c'est une fonction très importante mais qui ne devait pas être très considéré puisque sur l'ensemble des inscriptions d'Ostie qui signalent énormément de métiers, il n'y a pas de signalation de ce métier, qui peut-être venait en complément d'autre chose. C'est peut-être pas un métier 24 heures sur 24. Je sais que l'Antiquité tardive, le préfet des môles et du phare à Portus. Donc c'est probablement que c'est pas, enfin que ça fait partie dans un contexte portuaire d'une charge plus large. Occuper que du phare, il faut voir. Quand c'est des phares monumentaux, on peut imaginer quand même qu'il y a plusieurs personnes qui sont. Mais c'est vrai que c'est vrai, hein, y a, les sources, en particulier épigraphiques, on n'en a quasiment pas. Hein. J'aurais un peu la même question pour les pilotes, parce qu'effectivement, vous nous avez révélé l'importance des pilotes. Luciano aussi a posé la question pour le monde grec, mais c'est pareil pour le monde romain et c'est pareil pour Ostie. Est-ce qu'on a identifié une corporation, un métier qui pourrait être ces pilotes? Je sais qu'on hésite sur toutes les fonctions des gens qui tournent autour du port, mais... Il y a aussi un ostracano d'Alexandrie, de procurato Fari. Oui. Implicando la résistance de. Oui. C'è un procuratore. Oui, oui. Immagino che c'è un staff, non c'è un lavoro. Mais. Senza nome, senza iscrizione, senza. Pour ce document en particulier, Pascal Arnaud n'est pas d'accord. Lui pense que. Non. Il faut le. Non, je le dis. Lui pense que c'est préfet. De Pharos, son idée c'est que c'est pas le préfet du phare, mais de l'île. Bon, là, moi je suis pas capable de répondre à ça dans la mesure où il faut. Allora, grazie. Ultimissima, abbiamo detto. Non va plus sur l'aspect symbolique du port, mais plutôt sur l'aspect symbolique. Quelque chose que tu as souligné, c'est qu'avant l'exemple de Pharos, on n'a pas de phare en Méditerranée. Dans les ports antiques. Si. Si. Pardon, je te laisse finir. Non, simplement, sur l'aspect symbolique, pour les périodes plus anciennes, les périodes phéniciennes en particulier, oui. Où le temple est, joue le rôle de signalisation maritime et le phare en tant que tel ne devient un aménagement habituel du port oui. Que tardivement. Si, c'est vrai. Voilà. C'est sûr, il y a les exemples à Thasos qui datent du 6e siècle avant Jésus-Christ, mais parler de phare, c'est compliqué. Le premier exemple, et là c'est une source épigraphique qui est vraiment intéressante, c'est Kos. C'est l'inscription bilingue phénicienne grecque qui dit que le fils du dernier roi de Sidon, Abdalonimos, a offert dans le port de Kos des tours qui brûlent pour la sécurité des marins. Et là, on est entre Thasos et le phare d'Alexandrie. Mais c'est vrai qu'il y a un autre endroit au-dessus de l'Efkada, donc en Adriatique, côté grec, où on a une tour interprétée comme un phare. Et c'est vrai que c'est une tour circulaire avec un escalier circulaire. Ce n'est pas une tour de défense qui, elle, est datée de 620. Donc... voilà, mais ça n'appartient pas au port. Et c'est vrai que la spécialisation du bâtiment, en fait, c'est très tardif. Et je pourrais même dire qu'aujourd'hui encore, alors que le phare, c'est une figure spécialisée, il y a beaucoup de ports où, en fait, on pose une lanterne sur une maison, sur un bâtiment, sur à Sidi Bou Saïd, en Tunisie, au-dessus du Café des Délices, c'est une lanterne sur la maison. C'est pas, il n'y a pas de phare, en fait. Donc la spécialisation du bâtiment, ouais. Et je pense que ces temples-là, dans le monde phénicien et le monde grec... il y a beaucoup de choses similaires, jouent largement ce rôle-là, surtout si on y fait des feux au sommet, comme c'est le cas à Byblos, par exemple. Donc, Allora, grazie.